dans la tête. C'est le vice qui nous envahit tous dans la tête. Pour s'en sortir, une seule astuce dans la tête. On prend le micro comme une bastos. Atias Artichio, CRS Citizen. A ce tort, je suis mon frère, j'ai peu d'espoir de réussite. La gloire nous échappe, donc on se faufile dans l'illicite. On voudrait tous briller, comme un rugby sans le dérober. Mais on est tous grillés, donc on sera pire. En vérité, si on s'allie avec le vice, voilà la réalité en face. Et c'est la haine qui nous devance. Nos bonnes résolutions s'effacent. On prend le chemin de la délinquance. Vu qu'on a toujours pas nos plans, on commence par vider les caisses. Dans la tête, on tient pas en place. La gloire nous échappe, le temps manque, faut se précipiter. Le temps, c'est des billets de banque. Faut esquiver l'hostilité, faire preuve de bon sens. Ici, faut que tu t'installes à temps. Oubliez ces tendances. Pour pas devenir un charlatan et clochard à temps. Stop ta charité. Moi j'ai un char, un tank. Des mots durs pour vous dire ouais, charité. Faut réfléchir quand ça tend. Accroît sa densité. Pour certains c'est excitant, mais que c'est de la merde la vie de cité. Voir la réalité en face. Nos résolutions s'effacent. Vu qu'on a toujours pas nos places. Dans la tête, on tient plus en place. Voir la réalité en face. Nos résolutions s'effacent. Vu qu'on a toujours pas nos places. Dans la tête, on tient plus en place. La thèse. J'aimerais savoir de quoi elle se constitue. Des gars qui vendent leur cul pour du bif, de qui se prostituent. Des gars qui tuent leur réputation de prostituée pour des intrus introduits dans leur domaine qui pue. Le vice, le touch, les keufs en plus. L'alcool, les rapta et les tasses tient sus. La gloire leur échappe, il est trop tard pour attraper le processus. Leur vie une épave, pense qu'à se rabattre, rien de plus. La gloire nous échappe, engrainée par le vice et les crasses. Par le shit et les tasses, par la rue et ses classes. Malgré le passé, rien ne s'efface. Et mon gars, quoi que tu fasses, tu tomberas jamais sur un as. Et la vie c'est la poisse, mais passe pas sur un babas. Mon seul diplôme c'est l'écriture. Depuis que je suis môme, c'est ma nature. Le hip hop, ma seule armure. Des rimes de haine qui nous rendent mûrs. Un putain de rap de gosse dur. La franchise anti-filature. Un combat hyper dur. Hyper dur. Voir la réalité en face. Nos résolutions s'effacent. Vu qu'on a toujours pas nos places. Dans la tête, on tient plus en place. Voir la réalité en face. Nos résolutions s'effacent. Vu qu'on a toujours pas nos places. Dans la tête, on tient plus en place. Pourquoi la gloire nous échappe? Parce qu'ici ça sent le vice à plein nez, que les larmes déversent. Voilà pourquoi on aime tant planer. Y'a trop de parents qui divorcent et qui s'efforcent de rester sur le bon chemin. Moi j'ai mon schéma, une route solo, y'a pas de pute chez moi. En plus, pas tant de chômage, les places sont chères. Fais vite comme aux enchères, t'invite à te refaire une seconde chance si tu veux t'enrichir. Tout comme Pierre Richard, on a la poisse, notre avenir une impasse. On tient plus en place et dans la tête nos souvenirs s'effacent. La gloire nous échappe, on étouffe dans nos écharpes. Je voudrais qu'on place soit dans les chars. Le bitume m'a enseigné le vice pour tous les chiens de la casse. Qu'on goûtait au shit et au taf dans cette société où le taf nous recale la base de baf. La gloire nous échappe. La gloire nous échappe. 2005. Atias Artichio, CRS Citizen. Voir la réalité en face. Nos résolutions s'effacent. Vu qu'on a toujours pas nos places. Dans la tête, on tient plus en place. Voir la réalité en face. Nos résolutions s'effacent. Vu qu'on a toujours pas nos places. Dans la tête, on tient plus. Atias Artichio, CRS Citizen.